Seconde partie. Livre troisième. Ampliat aetatis spatium sibi vir bonus. Hoc est vive rubis, vita posse priori frui. Je vais reprendre la suite de l'histoire d'Enmeer, à l'instant où il devint veuf et où il se sépara de son beau-père. Edmé fut extrêmement touché de la mort de sa vertueuse épouse. Il perdait une compagne affectionnée, silencieuse, qui, connaissant les sentiments de son mari pour une autre, s'était comportée comme si elle les avait parfaitement ignorés. Il est vrai que cet époux raisonnable se conduisait de son côté comme s'il ne les avait pas eus. Chargé de 7 enfants, dont l'aîné n'était pas encore sorti de l'enfance, il eut besoin de toute sa patience et de toute sa sagesse. Il appela sa bonne mère à son secours. Elle y vint, et servit de mère pendant 4 années à ses petits-enfants. Le fils aîné commençait à donner des marques de ce qu'il devait être un jour, mais ce précieux enfant n'avait pas de santé, et à l'âge de 12 ans, il fallut lui faire la plus cruelle des opérations. Il la supporta avec une piété et une résignation que l'on cite encore. Lorsqu'il fut rétabli, et qu'il aurait pu être utile, son grand-père s'en empara, sous prétexte de prendre soin de son éducation. On lui fit commencer ses études, mais son père ne souffrit pas que d'autres que lui payassent sa pension. C'était une dette de la nature, disait-il, et il n'entendait pas rester en arrière avec elle. La 3e année de son veuvage, en 1725, Enmeer fut conduit à la capitale pour ses affaires. Il menait avec lui les premiers essais de son vin et de celui des habitants. Il se logea dans une auberge, mais sa première visite fut à Maître Mollet, dont il n'avait eu aucune nouvelle depuis 10 ans. Il y trouva cet honnête vieillard dans une grande affliction. Il avait été ruiné par la Giaud. Enmeer fut touché jusqu'au fond du cœur, et sa visite fut une consolation pour son ancien ami. Par la suite, il pria son uniforme, et par les offres qu'il lui fit de sa maison, ou de celle de monsieur l'avocat R, à son choix. « Et notre respectable ami, ajouta Enmeer, Maître Mollet répondit en soupirant, monsieur Pombolin et son épouse ne sont plus. Rose a épousé son cousin de Varipon, à la sollicitation de Génie, qui aimait ce jeune homme, et qu'il l'a cédé à sa sœur par ce motif. Il ferait mon bonheur, lui dit-elle. À plus forte raison, il fera le tien, puisque tu vaux mieux que moi. Elle craignait la douleur de sa sœur, car elle en a eu. Edmond, elle en a eu une cruelle. Mais sans en vouloir, lorsque son digne père lui eut tout expliqué, nous vous avons tout approuvé et admiré. Je disais que Génie a cédé son amant à sa sœur. Elle a employé les plus vives sollicitations, les larmes, l'importunité même. Et Rose ne s'est rendue qu'à l'admiration et à quelque chose de plus que lui causait cette charmante sœur. Elle lui déclara qu'elle se rendait au respect que lui inspiraient de si rares et de si généreux motifs. Monsieur de Varipon est un excellent mari. Rose est une digne épouse, mais tous deux sont sans amour. Ils ont les plus charmants enfants que l'on puisse voir. J'espère que vous leur rendrez visite. Quant à Eugénie, elle a épousé, à la sollicitation de son père, un jeune homme de province, tel que vous étiez d'une fort bonne famille. C'est un honnête garçon, mon cher ami, et son épouse sont décédées, après avoir vu le bonheur de leurs enfants, tel qu'ils le pouvaient désirer dans les circonstances. Et moi, mon cher ami, j'ai vécu pour voir le malheur de ma fille. Nous avons su de sa bouche que c'est elle qui a été cause de l'étrange résolution de ton père, par une lettre qu'elle lui fit écrire contre elle-même, de peur qu'il n'envoyât son consentement à ton mariage avec elle, si on le demandait. Elle ne comptait guère sur ta promesse. Elle n'avait jamais vu, ni nous non plus, quoique plus âgée et de plus d'expérience qu'elle, un jeune homme tel que toi. Elle était cause de tout. Mais tout le monde lui a pardonné. Elle est auprès de Génie. Heureusement, elle n'a pas d'enfant. Et le déshonneur dont son mari s'est couvert, par sa mauvaise conduite, qui vient de l'enrichir, mourra du moins avec lui. Nous avons refusé tous les secours qu'il nous a fait offrir, et sa femme ne reçoit elle-même que l'intérêt de sa dot, qu'elle partage avec nous. Voilà, mon cher Edmond, l'état des choses, depuis votre longue absence. Nous avons presque tous les jours parlé de vous, et je crois que vous ferez le plus grand plaisir à Madame de Varipon et à Madame Bourgeois, en les allant voir. Mais commencez par cette dernière, je vous prie. Pendant ce discours, Edmond donnait des larmes à la mémoire de Monsieur Pombola et de son épouse. Il comptait les trouver tous deux pleins de vie, et il se promettait les plus grands encouragements de la part de ce digne homme. Quant au mariage des deux demoiselles, il l'avait appris indirectement, mais sans aucune explication. il pria Maître Mollet de vouloir bien l'introduire chez Madame Bourgeois. Ils s'y rendirent ensemble dès le même jour, sur les 4 heures après-midi. Eugénie était seule lorsqu'ils entrèrent, entourée de 3 aimables enfants. Monsieur Mollet parla le premier, et voyant qu'Edmond n'était pas reconnu, il lui fit signe de ne pas se découvrir. La fille de Monsieur Mollet, qui survint, ne le remit pas davantage. Le changement dans la figure ne pouvait guère être plus considérable. Edmond, jeune et frais, 12 années auparavant, avait le visage et les mains brûlés par le soleil. Au lieu des plus beaux cheveux, il portait une perruque assez mal en ordre. Son habit de campagnard ressemblait à ceux des paysans bourguignons, qui vendent leur vin à la porte Saint-Bernard. Il n'avait pas encore parlé, car on l'eût sans doute reconnu à la douceur de sa voix. « J'ai voulu m'informer de votre santé en passant, madame, » dit M. Mollet, « et de celle de votre chère sœur. »« Elle va venir avec ses enfants, » répondit Eugénie. « Attendez un instant, madame, c'est la fille de M. Mollet, vient de sortir à l'instant, pour aller la chercher. Nous avons quelque chose à arranger ensemble cet après-dîner. » Et voyant le campagnard debout et découvert, « Monsieur Mollet, vous souffrez toujours ?»« Vous souffrez, monsieur Debout ?»« Je suis bien, madame, » dit NBR avec beaucoup d'émotion. » Eugénie fit comme une personne qui veut se rappeler quelque chose. Ensuite, envisageant l'ancien amant de sa sœur, « Me trompais-je »« Est-ce lui ?» dit-elle à Monsieur Mollet en entr'ouvrant les bras. « Oui, madame, c'est notre Edmond. » Ces mots n'étaient pas achevés qu'Eugénie se jeta vivement dans les bras du campagnard et lui présenta 2 fois de suite ses joues en lui disant « Nous avons des cœurs faits de façon qu'ils n'oublient pas les amis, lors même que nous en sommes oubliés. Ah, méchant garçon !» « Mais tout ce qu'on nous a dit est-il vrai ? Car alors vous n'êtes pas un méchant, vous êtes un excellent garçon. » Edmond était trop ému pour lui répondre. 2 ruisseaux de larmes sortaient de ses yeux. Les 12 années venaient de s'effacer par ces mots de génie. Il se trouvait un instant où il avait quitté Rose, et il la quittait avec la certitude de la perdre. Ce moment fut cruel, et il ne se le rappelait jamais depuis sans une sorte de frémissement involontaire. « J'entends ce langage, » dit Eugénie à M. Mollet. « Est-il heureux ? Est-il riche ou pauvre ? Il est mieux que cela. Il est l'honneur et le bienfaiteur de son pays. » À ces mots, Eugénie elle-même laissa couler des larmes d'attendrissement. « Nous ne nous étions donc pas trompés. » Rose sera bien charmée d'apprendre. S'adressant à lui-même, « Avez-vous des enfants ? 7, madame. Sont-ils d'un heureux naturel ? Vous ressemblent-ils ? Grâce au ciel, madame, ils sont d'un heureux naturel. Et l'aîné de mes fils est... « Il ne me convient pas de le louer à cet excès. »« Mais, madame, il est une grâce de là-haut. »« Bon père, il tient de vous. »« Et votre épouse ?»« Je suis veuf depuis 3 ans. »« Vous êtes veuf ? Ah, mon Dieu !»« Oui, madame. »« Avez-vous été heureux ?»« Plus que je ne le méritais. »« C'était une digne femme. »« Ah, Edmond, me voilà contente. »« Je vous félicite, mon pauvre Edmond. »« Vous allez voir ma sœur, mais vous la connaissez. »« Permettez que je la prévienne. » Quand je l'apercevrai, vous voudrez bien passer avec M. Mollet, dans cette pièce. C'est un trop grand bonheur que de la voir. Et vous aussi, madame, mais elle, je ne le pourrais peut-être pas supporter. Ni elle, peut-être. Mais je la préviendrai, et nous verrons. Si du moins j'avais retrouvé mon digne ami. Ah, monsieur Rétif, je n'ai pas la fausse délicatesse de craindre d'en entendre parler. Ne vous contraignez pas. Le très cher homme avait votre nom à la bouche en mourant, avec celui de ses enfants. « Se met la plus efficace des consolations, madame. »« 12 années sont effacées par votre visite. »« Non, ne me nommez pas, madame. »« Cela me rappelle que vous devriez me nommer ma sœur. »« Femme bonne et généreuse, oh, oh, vous me mettez hors de moi. »« Avant que votre digne sœur arrive, ou pendant que vous allez l'attendre, »« mettez-moi ça même. »« Mais M. Mollet aura la bonté de le faire. »« À part à ce dernier. »« Mon cher monsieur, mon cœur est trop plein. »« Je n'ai pu tenir. » et je le sens se fondre. Si elle venait, je me trouverais mal, je crois. Mettez-moi à même de faire une visite à notre digne ami. J'ai besoin d'épancher là mon cœur. Je ne vous entends pas. En quelle église repose-t-il, et à quelle marque pourrais-je reconnaître sa tombe ? Oh, que me dites-vous là, Edmond ? Cher, très cher monsieur, je vous en conjure. Remettons cela. Non, non, s'il est possible, obligez-moi. Nous allons revenir, madame, dit M. Mollet à Eugénie. Pendant notre absence, prévenez, madame, votre sœur, et s'il est à propos que nous revenions, envoyez-nous chercher à Saint-Roch, nous serons tout près de la grille. Ils partirent. En chemin, NBR fit une observation. Nos femmes de la campagne sont pour la plupart bonnes et vertueuses, mais je crois, mon très digne monsieur, que la femme par excellence n'est qu'à Paris. Voyez ce langage, cette bonté, cette aisance, jointe à une si aimable figure, à cette parure modeste et saillante tout à la fois. Ah, que j'ai perdu! Mais je ne méritais pas un si grand bonheur. Et puis j'obéis à mon Dieu visible, à mon père. Mais je rêvais à l'égal, celui que nous allons visiter. Cher et digne homme, excellent cœur, vertueux et indulgent. Il était parfait, ô vénérable Pombelin. L'église était proche. Ils y entraient. Comme Edmond achevait ces mots, M. Mollet le conduisit sur la tombe de leur vertueux ami, proche la grille d'une chapelle. Elle était sans inscription, il la lui montra. Edmond se prosterna aussitôt, le cœur navré, et colla son visage sur cette pierre, mais il s'efforçait, à cause de son ami, de réprimer ses sanglots. Enfin, ne pouvant s'arracher de cet endroit, il supplia M. Mollet de vouloir bien retourner chez Eugénie, et de l'envoyer avertir dans le cas où on ne jugerait pas à propos qu'il vit Rose. Dès qu'il fut libre, il ne commanda plus à ses larmes, et comme le temple était désert, il y joignit quelquefois de touchantes apostrophes au digne homme qu'il pleurait. « Âme sainte et pure, s'écria-t-il, du sein de Dieu où tu es, jette sur ton ami un regard paternel, je t'implore, verse sur un pauvre cœur le baume salutaire de la consolation. Ah, si tu étais vivant, ton seul regard rendrait le repos à mon âme désolée. » Un vieillard respectable, ancien et digne ministre des hôtels, à ce qu'il parut par son discours, priait dans un coin obscur. Il entendit Edmond, il se leva et vint auprès de lui. Au bruit de sa marche, Edmond se retourna. Frappé de son air et de sa chevelure vénérable, il s'inclina devant lui. « Mon fils, lui dit le saint prêtre, venez, suivez-moi. J'approuve vos regrets. Ils marquent la bonté et la droiture de votre âme. Venez. » Et il le conduisit au pied du maître-autel. « Mon fils, si vous avez perdu un père, voici le meilleur de tous. Jetez-vous dans son sein, car je vous en crois digne, et sa divine miséricorde vous consolera. » Edmond se prosterna, et le saint prêtre se tint debout à côté de lui en disant « Laetatis sum inis quae dicta sunt mihi, in domum domini ibimus, etc. » Après avoir récité le psaume en entier, le vénérable vieillard se leva, embrassa Edmond et se retira. Edmond se trouva tout consolé. Mais voulant chercher des yeux son consolateur, il ne le vit plus, ni ne l'entendit. Ému au-delà de ce qu'on peut imaginer, il retourna sur la tombe. Il bénit le Seigneur et invoqua le digne homme qui y reposait au lieu de s'affliger. On vint l'avertir de la part d'Eugénie de revenir à la maison. Il y avait environ une heure que Rose y était avec ses enfants. Le mari d'Eugénie était revenu. C'était un aimable homme. Dès qu'on aperçut Edmond, M. Bourgeois alla au-devant de lui, et le prenant par la main, comme s'ils se fussent connus, il lui dit « Je me félicite, monsieur, d'être de retour assez heureusement pour vous faire les honneurs d'une maison, où j'entends que vous soyez aussi maître que moi. » Et il le présenta à Rose, en lui disant « Ma sœur, voici un homme que j'estimais longtemps avant que de l'avoir vu. » Madame de Varipon se leva, fit une profonde révérence à Edmond, et lui marqua elle-même sa place à côté d'elle. Ensuite, avant de lui dire un seul mot, elle lui montra ses deux enfants. « Embrassez-les, dit-elle ensuite. Vous voyez qu'ils sont aimables. Chers enfants, dit Edmond, très chers enfants. » Et il répéta cela plusieurs fois, sans rien ajouter. « On m'a dit que vous en aviez sept. » »« Oui, madame. » »« On dit que vous en êtes content. » »« Oui, madame, très content. C'est ma consolation, comme voilà la mienne, » montrant ses deux fils. Durant ce commencement d'entretien, tout le monde s'était levé, de sorte que Rose et Edmond se trouvèrent seuls avec les deux enfants. « Vous étiez à l'église, à ce qu'on m'a dit quand je suis entré ?»« Oui, madame. Cela est bien, monsieur. Je vous reconnais là. Vous ne l'avez pas oublié. L'oublier ?» À ces mots, ses larmes coulèrent malgré lui. Rose porta son mouchoir à ses yeux pour cacher les siennes. « Il y a 12 ans que vous l'avez quitté. Il a parlé de vous tous les jours. » Edmond avec un douloureux sanglot. « Digne, respectable homme, nos cœurs s'entendaient. Je pensais à lui tous les jours. Mais à qui en aurais-je parlé ? Vous ne lui avez pas écrit ?» S'il l'eût permis, croyez, madame. J'entends, on ne m'en avait rien dit. Elle caressa ses enfants, et il se fit un assez long silence, qu'elle rompit enfin. Ils ont un digne père, un honnête père. C'est mon cousin, comme vous savez. Oui, madame, aujourd'hui, vous êtes resté longtemps à l'église, monsieur. J'y ai fait une très heureuse rencontre. Comment ? Voudriez-vous me dire ce que c'est ? Madame, j'étais à genoux, pénétré. Un saint homme, un digne prêtre, s'est approché de moi. Nous avons lié conversation, devant Dieu. C'est un digne homme, un vénérable vieillard, grand, majestueux, des cheveux blancs. Il inspire du respect. Ses discours ont une onction. Vous devez le connaître. Non, je ne reconnais personne de la paroisse à ce portrait. Je vous assure, madame, qu'il ressemblait au digne homme. » Rose, qui paraissait chercher une occasion de distraction, appela sa sœur pour lui demander si elle connaissait à la paroisse un prêtre, comme Edmond dépeignait celui qui l'avait vu. Eugénie et son mari assurèrent qu'il n'était pas de la paroisse. Edmé R., déjà vivement ému et dont l'imagination était allumée, pensa qu'il avait vu M. Pombola lui-même, qui, sous cet habit, l'était venu consoler. Cette idée qu'il ne mit pas au jour répandit sur son visage un vermillon angélique, et la même impression sembla se communiquer à Rose. Ils se regardèrent un instant, en silence, et tous deux se levèrent de concert, pour se jeter à genoux. Cette effervescence fut courte dans la tête d'Edmond. La raison reprit aussitôt le dessus. Mais il nous a avoué qu'il avait eu cette ferme croyance pendant près de 5 à 6 minutes. Pour Rose, il a toujours ignoré ce qui s'était passé dans son esprit, car elle ne lui en parla pas, et jamais il ne l'a revue depuis. « Monsieur R., reprit Rose au bout de quelques moments, je crois pouvoir vous témoigner combien votre visite me fait plaisir. Je la redoutais auparavant, mais je vois qu'elle est approuvée. Et en vérité, mon cher monsieur, elle doit l'être. Je vais retourner chez nous. Je vous y attends à souper avec monsieur Mollet et toute la famille de ma sœur. Si vous avez quelques affaires, expédiez-les en attendant. Adieu jusqu'à ce soir. Mon mari sera charmé de connaître un si honnête homme que vous, et qu'il aime déjà, car il faut qu'on vous aime quand on a mon estime. Je vous laisse. » Elle sortit aussitôt avec ses deux enfants et monta dans une voiture de place. Edmond était comblé. Eugénie, son mari, et M. Mollet, qui étaient présents à l'invitation, y applaudirent. L'invité sortit pour aller à ses affaires. Après sa tournée, Edmé R. entra un moment à son auberge. On lui remit une lettre que le facteur avait apportée dans l'après-midi. On lui annonçait un grand malheur. Une partie du village de Sassy venait d'être consumée par les flammes. On ne s'expliquait pas. Cet accident arrivait après toutes les récoltes. Le pays était ruiné. Edmé R. n'eut d'abord que cette idée présente. Elle suffisait bien pour le remplir de douleur. La vie, c'était de Germain, son domestique. Ce zélé serviteur, peu accoutumé à écrire, avait fait sa lettre la plus courte possible. Il ne s'expliquait sur rien. « Et mes enfants, s'écrit tout à coup Edmond, il court à un marchand, traite avec lui à la hâte pour tout le reste de ses vins, et par le même soir. En route à Pontierry, il se ressouvint du souper. Il écrivit un billet d'excuses, qu'on reçut le lendemain à midi. Jusqu'à ce moment, l'inquiétude avait été extrême. On avait envoyé au port, au vin, on n'y avait rien appris d'abord. Mais à la troisième fois, on sut qu'Edmé R. était parti sur la nouvelle d'un furieux incendie. Sa lettre acheva de donner quelques éclaircissements. C'est ainsi qu'il quitta la vertueuse Rose Pombelin et l'aimable Eugénie, pour toujours. Respectable femme, vous n'êtes plus, mais les enfants d'Edmé R. conserveront éternellement pour vous le même sentiment de vénération et de respect que si vous eussiez été leur mère. Je dirai un mot de leur famille à la fin de cet ouvrage, et je rapporterai un trait remarquable qui arriva en 1765, un an après la mort de mon père. Edmé R., en arrivant à Sassy, trouva les trois quarts du village à la mendicité. Mais sa maison avait été préservée, et par le zèle de Germain, et par la manière dont elle était couverte. Il n'était pas encore juge, mais il n'employa pas moins tous les soins à soulager ses malheureux concitoyens. Un vertueux prêtre, Messire Pendevant, prédécesseur de Messire Antoine Foudria, qui lui servait alors de vicaire, avait accumulé les revenus de son patrimoine depuis longtemps pour doter ses deux nièces et s'était astreint à vivre de sa modique portion congrue qui n'allait qu'à 100 écus. Mais voyant le désastre de ses pauvres paroissiens, il sacrifia généreusement le fruit de ses épargnes. Il les nourrit tout l'hiver avec cette somme et fit relever à la hâte et comme on put leur maison brûlée. Il mourut l'année suivante sans avoir tiré d'obligation de personne. Messire Antoine Foudriat et Edmé R., témoins de sa générosité, attendirent que la paroisse fût rétablie. Alors le nouveau pasteur, dans un discours pathétique, prononcé en chair, engagea ses paroissiens à se cotiser, pour rendre la somme aux héritières du pasteur décédé, qui n'était pas riche. Il donna l'exemple pour qu'il n'eût rien reçu. Edmé R. l'imita, de sorte que ceux qui n'avaient pas souffert de l'incendie fournirent généreusement plus que ceux qui avaient été obligés. Par ce moyen, la somme fut rendue aux héritières, avec les intérêts, et on leur fit un remerciement, rempli d'éloges pour le digne pasteur qu'on avait perdu. L'année suivante, messire Antoine Foudriat fut calomnié. On ne sait par qui ? Auprès du respectable prélat Charles Gabriel de Caylus, évêque d'Auxerre et seigneur en partie de Sacy avec son chapitre et l'ordre de Malte. Enmeher assembla tous les habitants chez lui et les supplia de lui dire si quelqu'un d'entre eux avait des plaintes à faire du pasteur. Sur la négative générale, il leur proposa de faire une députation de 12 des principaux au premier pasteur, en faveur du second, qui tenait bien plus directement à eux. Cette députation eut lieu. Enmeher la conduisit et porta la parole. Le digne évêque, bon connaisseur, l'écouta avec tant de plaisir qu'il lui recommanda de le venir trouver seul en particulier, tandis que ses compagnons dîneraient à l'office. La conversation qu'Enmeher eut avec son évêque fut de plus de 2 heures. Le prélat l'interrogea sur l'état de la paroisse, sur les mœurs des habitants, en un mot sur tout ce qui pouvait intéresser un homme qui se regardait véritablement comme le père de son troupeau. Ses réponses satisfirent le prélat au point qu'il l'invita à le venir voir toutes les fois que ses affaires l'amèneraient à la ville. Enmeher, flatté de ses teneurs, de la part de l'homme, encore plus que de celle de l'évêque, n'y manqua pas. Dès la première visite qu'il rendit à M. de Caylus, ce digne pasteur, instruit de la conduite de cet habitant de Sacy, lui dit ces paroles obligeantes. « Monsieur Rétif, si je vous avais connu, votre seul témoignage aurait rétabli M. Foudriat dans mon esprit. Si je puis vous servir, ne me ménagez pas. Je vous servirai comme votre père spirituel et comme votre ami temporel. C'est ce dont je vous prie d'être persuadé. » Je rapporte ce trait parce qu'il est doublement glorieux de la part d'un homme tel que M. de Caylus, et parce que, dans la suite, mon frère aîné succéda à mon père, dans cette tendre affection. L'amitié du digne évêque alla jusqu'à la plus vive tendresse pour ce jeune ecclésiastique dès qu'il fut à son séminaire, de sorte qu'il offrit à mon père de payer sa pension. Mais Enmeher, qui avait refusé cette faveur de la part du grand-père de son fils, aurait été encore moins disposé à la recevoir du père commun des pauvres. Il répondit à l'évêque qu'il était, grâce au ciel, en état de payer la pension, et qu'il se croirait inexcusable de faire ce vol aux pauvres nécessiteux. M. de Caylus redoubla l'estime pour le père et le fils, par le même motif qui faisait refuser ses faveurs, l'amour des pauvres, car tout le monde sait que l'évêché d'Auxerre rapportait environ 60 à 70 000 livres à M. de Caylus et qu'il en répandait chaque année plus de 80 000 dans son vaste diocèse. Il est cependant mort sans dette. Les ventes après son décès ont tout payé. Cette honorable liaison n'empêcha pas Enmeher d'estimer le mérite partout où il le rencontrait. Il fut successivement l'ami intime de 2 procureurs des jésuites de la maison d'Auxerre, le père Scribeau et le père Godot. Ces 2 hommes le consultèrent également pour l'exploitation de leur ferme de la Loge, qui est située dans le territoire de Sacy, et ils recevaient ses avis des intéressés avec la plus grande reconnaissance. Ils eurent quelquefois ensemble des disputes de controverses, mais elles furent toujours accompagnées de tant de politesse de part et d'autre que l'intimité n'en fut point altérée. Au contraire, l'un des 2, le père Scribeau, dit plusieurs fois à mon père ces paroles remarquables. « Avec votre conduite, mon ami, tous les sentiments sont bons. Entendez-vous ? Tous les sentiments sont bons. » Ce père Scribeau était lui-même un homme exemplaire. Il avait le cœur excellent. Il obligeait tous ceux qu'il pouvait obliger, et lorsque cela passait son pouvoir, on voyait sur son visage une si véritable douleur qu'on s'en retournait content, même avec un refus. Quant au père Godot, quoique parfaitement honnête homme, il était un peu moins populaire. Mais cela venait de son éducation. Il était gentilhomme. Il avait été élevé dans la hauteur. Cependant, sa familiarité avec Enmeher était celle d'un bon frère avec un frère. Aussi en était-il si tendrement aimé que les jours où il se voyait étaient comme des jours de fête pour toute notre maison. Des personnes un peu ardentes lui ont quelquefois reproché ses liaisons. Enmeher n'y fit pas d'autre réponse que de les prier instamment à une de ses entrevues. Et il eut la satisfaction de se voir donner une entière approbation. Il eut même la plus flatteuse, celle de M. de Caylus, qui, parfaitement instruit de sa conduite en cette occasion, lui dit un jour qu'il avait raison de vivre en frère avec tous les hommes, et que certaines gens devaient bien en faire autant pour leur repos et celui des autres. En 1727 mourut Anne Simon, la plus digne des mères. Quand elle sentit sa fin approcher, elle dit à son fils d'avertir ses 3 filles. L'aînée était mariée à Aigremont et les 2 autres à Nitry. Cette nouvelle les affligea sensiblement, surtout Magdelon, qu'Enmeher appelait sa sœur de cœur parce qu'ils se ressemblaient par les dispositions. Lorsqu'elles furent arrivées, Anne fit mettre d'un côté son fils et Madelon, Catherine et Marie de l'autre. « Mes chers enfants, leur dit-elle, je vais rejoindre votre père. J'ai une ferme espérance de le revoir heureux dans le sein de Dieu, où je lui rendrai compte de la conduite de ses enfants. Vous, ma chère fille aînée, que Dieu vous bénisse, ainsi que vos enfants. Ce ne sont que des filles, rendez-les bonnes et douces, autant que travailleuses. Elles n'ont besoin que de cela. Douceur et travail, il ne vous faut que cela en ménage dans nos campagnes. Instruisez d'exemple surtout à présent, que les voilà qu'elles deviennent grandes. Me le promets-tu, ma chère Catherine ? Oui, ma bonne mère. Sois bonne aussi, ma fille, et que vos querelles entre ton mari et toi, quoique peu de choses ne troublent pas ma cendre. Vous, Magdeleine, Dieu vous accorde des enfants. Je suis si contente des miens que j'en désire à ceux que j'aime, surtout à ceux qui sortent de moi. Console ton frère après ma mort, et qu'il retrouve toujours en toi Anne Simon, sa mère qui l'aimait tant. Chéris tes sœurs, et si tu n'as point d'enfants, que les leurs soient les tiens. Et si personne ne dit de toi, notre bonne mère, qu'on dise notre bonne tante. Dieu te bénisse, ma chère fille. Vous, ma pauvre Marie, vous êtes la plus jeune de mes enfants. Je vous recommande d'avoir de la maturité, de ne pas vous conduire en étourdi. Vous êtes vive, ce n'est pas vice, c'est qualité, si on sait bien se gouverner. Je vous recommande de respecter vos sœurs aînées, de regarder Magdelon, qui est dans le même lieu que vous, comme ma lieutenante à votre égard. Permettez-moi d'être docile à ses avis après ma mort. Je vous le promets, ma chère mère. Ma très chère fille, ton mari a quelque chose à souffrir de toi. C'est un bon et honnête homme. Ton fils est un aimable enfant. Et l'on voit déjà dans la tendresse de l'âge qu'il sera d'un bon caractère. Cultive ses bonnes dispositions, ma chère fille. Un fils est le second mari des mères. Mais c'est un mari respectueux. Voyez votre frère. Que Dieu bénisse à jamais. Amen. Il a été l'appui et la consolation de ma vieillesse. Et il me réunira dans le même tombeau. Il me fermera les yeux. Il me pleurera, comme il m'a aimé, et il me réunira dans le même tombeau avec son digne père, mon respectable mari, comme il nous a réunis de tout temps dans son cœur. Mais, chère fille, le voilà ce digne frère. N'êtes-vous pas glorieuse d'être ses sœurs? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit depuis qu'il a l'usage de raison, qui n'est tourné à notre honneur et avantage? Révérez-le tendrement. C'est le lieutenant de votre honorable père. Vous savez, mes chères filles, comme il en a agi avec moi. Il n'a point voulu toucher à son patrimoine, mais il m'a tout laissé pendant tous les jours de ma vie. Tout ce qu'il a, il ne le doit qu'à son travail, et le meilleur des fils a été jusqu'à ce jour comme s'il avait été jeté sur la terre tout nu. J'en ai senti une vive peine, et il m'aurait obligé, s'il avait voulu prendre son bien, d'un autre côté ma pauvre âme était réjouie. Et je me disais avec liesse, je dirais à Pierre dans l'heureuse vie, comme son digne et respectueux fils en a agi avec sa mère. Et j'augmenterai encore son éternel bonheur. Cette douce et consolante pensée me rend l'amour agréable. Je m'en fais une fête. Je quitte mes enfants, mais c'est pour aller rejoindre leur père. Je le crois bien, dit Edmond, en suffoquant de sanglots, que vous vous faites une fête de la mort. Il n'est jamais sorti de votre cœur que de bons désirs et de bonnes pensées, et de votre main que de bonnes œuvres. Mais nous, nous voilà orphelins de la meilleure des mères, après avoir perdu notre gloire et notre couronne dans notre père. Et regardant ses sœurs qui pleuraient. « Oui, pleurons, nous ne dirons plus mon père, ni ma mère, ces noms si doux ne seront plus faits pour nous. » « Écoute donc, mon fils, » interrompit Anne avec une sorte de sourire familier, comme si elle se fût bien portée. « Vous direz, mes enfants, ma fille, mon fils, et ces noms-là sont bien doux aussi. Bénissons Dieu, car il faut finir, et jamais fin la plus enviée valut-elle la mienne. Je vous la souhaite à tous, mes très chers enfants. »